Elle attendit 8 jours, puis 15 jours, allant chaque matin sur la route, au-devant du facteur, qu'elle abordait en frémissant. « Vous n'avez rien pour moi, père Malandain ?» Et l'homme répondait toujours de sa voix, enrouée par les intempéries des saisons. « Encore rien cette fois, ma bonne dame !» C'était cette femme, assurément, qui empêchait Paul de répondre. Jeanne, alors, résolut de partir tout de suite. Elle voulait prendre Rosalie avec elle, mais la bonne refusa de la suivre pour ne pas augmenter les frais du voyage. Elle ne permit pas d'ailleurs à sa maîtresse d'emporter plus de 300 francs. « S'il vous en faut d'autres, vous m'écrirez donc, et j'irai chez le notaire pour qu'il vous fasse parvenir ça. Si je vous en donne plus, c'est M. Paul qui l'empochera. » Et, un matin de décembre, elles montèrent dans la carriole de Denis Lecoq, qui vint les chercher pour les conduire à la gare, Rosalie faisant jusque-là la conduite à sa maîtresse. Elle prit d'abord des renseignements sur le prix des billets, puis, quand tout fut réglé et la malle enregistrée, elles attendirent devant ces lignes de fer, cherchant à comprendre comment manœuvrer cette chose, si préoccupée de ce mystère qu'elle ne pensait plus aux tristes raisons du voyage. Enfin, un sifflement lointain leur fit tourner la tête, et elles aperçurent une machine noire qui grandissait. Cela arriva avec un bruit terrible, passa devant elles, entraînant une longue chaîne de petites maisons roulantes, et, un employé ayant ouvert une porte, Jeanne embrassa Rosalie en pleurant et monta dans une de ses cases. Rosalie, émue, criait « Au revoir, madame. Bon voyage. À bientôt. Au revoir, ma fille. » Un coup de sifflet partit encore, et tout le chapelet de voitures se mit à rouler, doucement d'abord, puis plus vite, puis avec une rapidité effrayante.